plonger dans l'obscurité. Nul besoin de fermer mes oreilles pour entendre le silence. Depuis toi, il n'y a plus rien. De prier pour croire. Nul besoin de penser pour comprendre. Depuis toi, il n'y a plus que vide. J'ai besoin de ton sourire, j'ai besoin de ta voix, j'ai besoin de prendre tes mains dans les miennes. J'ai besoin de respirer encore, j'ai besoin de glisser ma main dans tes cheveux. J'ai besoin de tout. Dans tout c'est rien, je suis rien.